Bonjour, on s'occupe de vous ? Bonjour, je cherche la BD Le chat du rabbin, s'il vous plaît. Les deux premiers volumes. Ah, désolé, on a tout vendu. Avec le succès du film ? Mais on a l'intégrale, si vous voulez. Tome 1 à 5. Ah oui ? Combien coûte l'intégrale ? 34,90 €. Mais si vous avez la carte Fnac, ça coûte 33,16 € avec la réduction de 5%. Ah non, c'est trop cher pour moi. Et quel est le prix d'un volume ? Chaque volume coûte 11,55 €, 10,98 € avec la carte d'adhérent Fnac. Vous voulez les commander ? Ça prend environ une semaine. Non, finalement, je prends l'intégrale. Ça coûte moins cher. Et je voudrais aussi le dernier roman d'Amélie Nothomb en livre de poche. Il n'est pas encore sorti en édition de poche, mais nous avons l'édition originale. Ah bon, alors je vais attendre, merci. Vous désirez autre chose ? Non, c'est tout, merci. Au revoir.